Bah, je peux pas jouer la basse, j'ai des problèmes de dos. Je peux plus tenir une basse. Ouais, bon, bah, désolé. C'est 440, ouais. Ouais, je suis en 440, tu vois. Ouais. Ouais. À 427. Bon, bref, excusez-moi de vous avoir importuné. Vas-y, relance ton truc, excuse-moi. Ça passe pas, ouais. Ben ouais, je sais pas. Faut dire qu'on est tous sourds, alors on a perdu toutes les fréquences de basse. Le truc que tu perds quand tu joues trop fort, c'est les fréquences de basse en fait. Je me rappelle d'un mauvais souvenir. Moi, je sais que des fois, j'entends pas les notes et les fréquences que j'entends pas bien. Et du coup, je joue faux à la basse. Ça le fait qu'avec la basse. Ça le fait pas sur les autres instruments. Oh. J'ai cassé l'ambiance.